mouillée et raccourcie. Hein. Donc, le premier dispositif qui est venu pendant qu'on était prof à la lecture du Maître Ignorant, c'est l'étape d'apprentissage. Donc c'était un moment de partage en classe. On divisait la classe en tables, on amenait des textes, et les élèves avaient comme tâche de discuter, ils avaient comme tâche de répondre à des questions. Enfin, c'était vraiment un petit peu un mode, voilà, vous avez une tâche à faire, vous avez 2 heures, le prof assure le cadre, et vous devez faire vivre ce moment-là. Je vais me servir d'une expression que Jacques Rancière a utilisée tout à l'heure en répondant à Mansour. Il a parlé de construire un monde. Hein, donc en fait, tous ces dispositifs que je vais présenter rapidement, eh bien, j'aime bien les placer sous l'idée de construire un monde. Construire un monde en classe avec ses élèves, avec ce qu'on a à disposition, ce qu'on a amené. Voilà, ça c'était la table d'apprentissage. Et puis, un peu plus tard, donc aux alentours de 2005, eh bien, on a pensé à une façon de partager la musique. Et ça, on l'a appelé la chambre d'écoute. Hein, donc les tables d'apprentissage, la chambre d'écoute. Aujourd'hui, c'est renommé comme un champ d'écoute, parce que ça a eu lieu une première fois fin août dans le champ là. Et la chambre d'écoute, pour le dire simplement, c'est un moment d'écoute collective d'une playlist argumentée. Donc, il faut imaginer ce que vous n'auriez pas aujourd'hui, mais ça dure 50 minutes. Tout le monde reçoit un petit livret. On écoute environ 10-15 morceaux. Et chaque morceau est situé dans le contexte du thème. Donc, si par exemple, on fait une chambre d'écoute sur les arbres, comme fin août, eh bien, toutes les chansons, toutes les musiques sont rassemblées autour de l'arbre. Et dans les textes, on défend un petit peu leur place, en sachant qu'il n'y a aucune hiérarchie des musiques. Donc, Sibelius côtoie le métal symphonique de Swallow the Sun, et c'est aiguisé comme ça, c'est ramené à un moment d'écoute. Donc, on va vous faire vivre un court extrait sans livret, mais ceux qui ont acheté le petit programme, il y a 2 exemples de notices, mais normalement, il y a 15 notices, et sont que ça dure 50 minutes. Ça, c'était la chambre d'écoute. C'est le dispositif qu'on a créé qui a eu la plus belle vie, puisque on est à la numéro 80, hein, en 17 ans, 80, ça fait beaucoup. Et on a fait des chambres d'écoute nous-mêmes sur un thème qu'on choisissait, mais on nous a aussi beaucoup proposé par rapport à des expos, par rapport à un colloque même. On a même fait une chambre d'écoute à un colloque de linguistique à l'ULB. On visitait des lieux aussi, des piscines, des restaurants, des gares, etc. Toujours avec un petit clin d'œil au thème. Ça, c'est la chambre d'écoute. On va faire un petit extrait tout à l'heure. Et puis, je voudrais aussi vous parler d'un autre format qu'on a imaginé avec Juliette et Marie à l'époque, quand on était encore dans cette mouvance-là. C'est le cours modeste. Alors, le cours modeste, c'est une sorte de conférence qui est donnée par des non-spécialistes. Hein, donc là, on pourrait dire, si je reprends l'expression de Jacques Rancière, construire un monde, ce serait construire un monde de chercheurs, de recherche, autour d'éléments disparates qu'on lit ensemble. Et donc, on a fait ça aussi à la demande ou de notre propre initiative. Et le cours modeste, c'est 1 mois ou 2 de recherche, de création de liens entre des choses liées avec un thème. Et puis, le soir venu, ou la journée, enfin, le moment venu, on le présente en l'état à une assemblée plus ou moins grande. Et on présente ce qu'on a trouvé à ce moment-là. Il n'y a pas de prolongement, il n'y a pas de questions-réponses. Bien souvent, tout ce qu'on a rassemblé, tout ce qu'on a imaginé, on le donne ce soir-là. Et alors, les traces de la recherche sont exposées sur une table des traces. Et donc, les personnes qui viennent peuvent voir les carnets dans lesquels on a noté les choses, les livres qu'on a utilisés. Et donc, c'est un partage, de nouveau, c'est construire un monde de recherche en le partageant, en sachant que, évidemment, l'état d'apprentissage, les chambres d'écoute, les cours modestes, tout le monde peut le faire, tout le monde peut participer. Il faut juste se lancer. Et puis un dernier format dispositif qu'on a imaginé plus ou moins quand je suis arrivé avec l'équipe de Philocité, hein, qui est ici, les nouvelles pratiques philosophiques. On a imaginé un dispositif qui s'appelait le chantier. Et le chantier, C'était donc les outils de Philocité qui se mélangeaient avec les dispositifs qu'on avait créés. Et donc, je l'avais défini comme une zone de travail collective à visée philosophique. Et en fait, ça commence le 1er janvier, ça termine le 31 décembre. Et pendant un an, les personnes se voient de façon plus ou moins fréquente et on travaille ensemble sur ce chantier. Il y en a déjà eu trois. Et le troisième, justement, porte sur le paysage. Et on est en plein dedans. Il va terminer en décembre. Il y a deux, trois personnes qui font partie de ce chantier qui sont là. Ça rassemble 15 personnes. Et donc, à la fin décembre, on va clôturer le chantier et il y aura une chambre d'écoute sur le thème du paysage qui aura lieu à Bruxelles. Et donc, vous serez au courant via Ivana, si vous voulez. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'était que notre association, elle est née dans une école et elle avait pour ambition toujours d'en sortir, d'y revenir. Et puis, on a travaillé aussi à l'agrégation des arts de Saint-Luc et à l'Ergue. Et donc, le véritable laboratoire pédagogique de RED, laboratoire pédagogique, ça a été les cours à l'ERG qu'on a construit, Juliette et moi, à partir de rien, parce qu'on n'était pas plasticiens, etc. Et donc, c'était aussi très modeste et très partage, puisqu'on avait d'autres choses à apporter que la pratique des arts. Et donc, pour moi, cette journée, malgré la pluie maintenant, est un très bon moment, puisqu'il y a des élèves de l'académie où je travaille maintenant. Il y a des étudiants de l'agrégation, des collègues de l'agrégation, et puis il y a tous les invités du réseau d'Ivana, parce qu'elle fait ça très bien. Et donc voilà, donc, si vous avez le petit livret, allez voir la page qui concerne le champ d'écoute, et imaginez-vous plus long avec un petit livret, mais en même temps les morceaux sont beaux. C'est une chambre d'écoute qui a eu lieu fin août sur le thème de l'arbre, et donc... Voilà, on va essayer d'écouter. Désolé pour la pluie. Et merci à mes assistants de choc. Voilà, c'est parti. Moi, je n'assistais pas grand-chose. Hein. Par contre, Elisabetta. Elisabetta. Elisabetta. I need my CDs. Sorry. Thank you. Thank you. Merci beaucoup pour votre écoute. Juste avant de passer la parole à Ivana, je voulais dire un petit mot pour ceux et celles qui n'avaient pas la petite brochure. Donc, on a écouté Sibelius à l'entrée et à la sortie. Ce sont des petites pièces pour piano qui portent... c'est une série qui s'appelle Les Trees, les arbres. Et on a écouté Le Bouleau et le Sapin. Hein, et donc, voilà. Ensuite, on a écouté un extrait d'un coffret avec 5 CD comme ça qui s'appelle le projet s'appelle GAS et cet album-ci s'appelle Koningsforst et donc il est entièrement consacré à la forêt qu'il y a à l'est de Cologne et le musicien qui a créé cette musique voulait se rappeler les moments où il a expérimenté le LSD en plein cœur de la forêt dans les années 90, donc ça c'était GAS. Et puis on a écouté un morceau d'un label, ça s'appelle Svalastok, et le morceau s'appelle The Pine Solution, et c'est un label très très pointu norvégien, à la frontière entre le jazz, l'avant-garde, etc. Et c'est un livre coffret qui s'appelle Money Will Ruin Everything, et donc voilà. Et puis on a écouté un morceau d'un sound system français qui s'appelle le Stand High Patrol et le morceau s'appelait The Big Tree. Voilà, donc un petit extrait. Normalement il y avait 15 morceaux, enfin 12-15 morceaux et c'était un autre dispositif aussi, un autre site même puisqu'on était là-bas au milieu. Merci beaucoup et Ivana, à toi.